On est ghetto, sur la moto, à deux casques, à salto, on est ghetto, sur la moto, à deux casques, à salto, là c'est la zone, on est stone, t'es ma gueule la gomme, c'est Dieu qui donne, on est ghetto, sur la moto, à deux casques, à salto. J'm'agite, j'calcule pas, même pas j'cogite. J'déguste la vie, ouais j'profite. J'fume mes pitous jusqu'au filtre. On regarde pas dans le rétro, même si elle est pimpon. On aime le bruit du pepe, la cala du pepon. Traficante, on danse comme des brigantes. Fais gaffe qui tu fréquentes, avec qui tu vas te ganter. Traficante, on danse comme des brigantes. Fais gaffe qui tu fréquentes. Salto, ah.